Ici on m'appelle Arlène, les autres ils sont tous à terre. M.A.M. est de retour, je suis prêt à tout buter. Les MC veulent ma peau, mais je crois que j'ai tout pété. J'ai tiré sur le R.A.P. vu que dans ce monde j'ai tout gagné. Dans ce monde j'ai avancé, dans ce monde j'ai parculé. Ah j'avoue je maîtrise mon art, vu que mon flow il est trop dard. D.A.S. tu connais, wesh Robeux on est des stars. Moi je freine qu'avec ma team, y'a tous peut-être mon équipe. Ouais, bag avec ma team, on te fumera un implique. Back to Snigoli, Swag, M.A.M. on the beat. Le R.A.P. est un crime que je gagne comme une prime. Face au mic on s'exprime, ouais on lâche trop de rimes. D.A.S. sous prison, j'avais un plus close. Non, wild and free, have fun on beat. Yeah. D.A.S. sous prison, quand j'aille toi sur le beat, nègre libre dans le 5-8. Je balade la clique, les MC sont tous well. Tous des diacres, respect, ma psycho, les négros, flip, flow, carnardo. Pas point, mon bigo, mes friends sont plus que sous ta nom. Non, non, c'est pas vrai, je sais, il reste toujours le maître. Mais D.A.S. est plus présent. Jarvis, people, j'ai le boss dans ce game. Big Bang, soit pour but, mon couplet. Mon j'aille, on me respecte. Appelle-moi Lil Swag, D.A.S. on connaît. Ah j'avoue on est pépère, okay. J'débarque, je prends la place. Number one dans les bacs, 666, c'est pas moi. Je sens libre et mes gars, donc. D.A.S. sous prison, j'avais un people's. Young, wild and free, have fun on beat. Yeah. D.A.S. sous prison, j'avais un people's. Young, wild and free, have fun on beat. D.A.S. sous prison, j'avoue, il pupon. Passe-moi le micro, tu diras, suis le boulot. Appelle-moi poteau, appelle tes poteaux. Je vous mettrai tous KO sur le ring dans des chaos. Sur la piste, j'envoie au galop. J'ai du bidi au sommet, mon place, moi je l'ai mérité. J'avoue, moi je l'ai hérité. Ton flux, on va le tuer. Un verre dans mon school, on représente. J'avoue, fais ce que tu veux. JLB digère, j'avoue. À peine venu dans le bête, j'ai pris la place. Ouais, j'ai la classe, on dit que t'as la poisse, nigga. D.A.S. sous prison, j'avais un pickles. Young, wild and free, have fun on beat. Yeah. D.A.S. sous prison, j'avais un pickles. Young, wild and free, have fun on beat. Que veux-tu comme tempo? Fais ta mort à l'intro. Les jeunes prennent des héros. Young, wild and free.